Zeus 84, ruelle étroite et pleine de vie avant Run GMC. L'école du funk et des premiers MC. Tu ce petit gosse du centre-ville, sans trop de fils. À mon âge, on pense qu'à se murfer. On se fout d'avoir le ventre vide. La rue m'a passé coach, passe mon temps à l'arpenter. À la télé, y'a des maris et j'hyper carpentier. Où est mon peuple? Ça me fait l'effet d'un flash quand je découvre authentique. Et les turites, j'ai grand marqueur flash. 90, béret militaire et t-shirt noir. Révolutionnaire, c'est Boss One qui réunit les gars. On traîne au vieux port, l'éveil de nos consciences. Jeunes et marginaux en France, y'a Keiji Arnaud et toute la bande. On pense ralliement, les discours s'alimentent. Rage de vaincre ventre, on était bien plus que vaincre vent. Deux ans plus tard, j'suis avec Ponte, c'est un pote qui grave. Époque de rage, l'âme ouverte, j'pousse à fond les bas. Mes premières platines, mes premiers scratchs faciles, tout semble facile. On se dit pourquoi on se montrait pas un staff. Une famille, un groupe soudé sur instrumental. Ponte comme Ponte, et moi j'connais des gars qui rappent la balle. On se met à se fréquenter, on réunit les black and white, ça t'es choa. En face de la maison hantée, premier freestyle, première maquette posée chez Queen. On trouve les bons rythmes et les rimes, on se dit que c'est un signe. Tout part de ce concert, première partie de sens unique, juste avant la scène, c'est quoi le crew? Funky Family, ça bouge et ça milite, ça gamberge sans limite. V'là la première bombe, tu reconnais le style des bad boys. Deux ans plus tard, on fait l'album, c'est la tuerie, c'est la foi et la furie. Sur ma vie, c'est trop la bombe. On fait du fric et on en craque sans pitié. Habitué au partage, c'est pas le peste qui niquera l'amitié. Ni même la fierté, ni même les peines de ce monde pourri. Le rap, ça me sert à m'évader quand je vois tout le monde courir. Je crée dans le slip avec Rebelle et Soul. Vas-y que ma mariée à la street, je la présente, elle est rebelle et Soul. Les fruits de ma passion font traverser les nations. Le but, c'est de rencontrer des peuples, pas seulement de faire les sous. Après tu connais, les gens nous ont suivis, on les en remercie. Du fond du cœur, je vous en remercie. Destin irréversible, ma vie c'est le rap, nique leur loi et leur morale. Laisse-moi déguster l'album du rap, porteur d'une gauche du rap. Les puits de chacun me croient que le crew est divisé parce qu'on a sorti les solos de chacun. Dealer, papa, on vient pisser le prolo. On représente Marseille, mettez les mains bien haut. Toujours dans l'art de rue, on plane sans aide. J'ai les poches qui sentent la perte et les yeux injectés de sang comme fell. Appelle-moi Gel, DJ tailleur de Jam. Je suis riche d'avoir des frères et des saphirs qui valent tout l'or du monde. Fallait que je le dise, cherche pas à travers qui je te parle. Écoute mes frères et tu sauras à travers qui je te parle. F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F